des suites et de leurs conséquences. Le lendemain, à la première heure, Donald fait appeler les flics par sa secrétaire. Faustine leur déclare l'accident, comme la loi américaine l'oblige à le faire, sans dire quelle partie l'alcool a joué dans l'histoire, bien évidemment. Malheureusement, la jeune idiote a fièrement montré sa driving license américaine au lieu de produire son permis de conduire international qui lui aurait peut-être valu l'indulgence qu'on accorde aux touristes longue durée. Le mal est fait. Elle sera jugée comme les Américains lambda. Quand elle réussit enfin à prévenir Maxime, hélas, il était sorti. Pour y parvenir, elle était restée pendue au téléphone des White pendant des heures. Une fortune, appelant la moitié des hôtels de Hambourg avant de trouver celui dans lequel il loge. La ville fourmille de caves à jazz, pas besoin de chercher plus loin où son homme est allé traîner ses guêtres. N'osant rappeler et abuser plus avant de la générosité des White, Faustine a laissé un message. Voiture cassée, devis réparation, $800. La réponse par télégramme ne se fait pas attendre. Je ne vais pas payer $800 pour faire réparer une voiture qui m'en a coûté 600, espèce de chauffarde. Sur ces bonnes paroles, Colin déclare que Faustine peut rester chez eux jusqu'au moment d'accueillir Jack dans une semaine. Elles iront ensemble chercher le jeune homme à l'aéroport de Dulles. Puis Colin les ramènera tous les deux à Warrenton, les laissant se débrouiller à partir de là. Pour l'heure, l'accueillante femme du patron a des arbres à planter à l'avant de sa propriété. À bientôt 50 ans, elle a de beaux restes d'énergie, mais ne se poserait pas un peu d'aide. Bof, le jardinage, c'est pas son truc à la Faustine. Bien incapable de reconnaître une feuille de menthe d'une feuille d'ortie sans la toucher. Hélas pour elle, la gratitude exige qu'elle paye de sa personne. Et voilà nos deux amis, munis de pelles et arrosoirs, sans oublier le sac de fumier, s'activant au reboisement parcellaire. Un trou, du fumier, un arbre, de l'eau. Faustine regarde et écoute sa consœur, plus qu'elle ne creuse ou arrose. Colline ne s'en offusque pas, elle a surtout besoin de compagnie. Après quelques minutes d'effort, elle s'essuie le front. « Tu n'as pas soif ?»« Si, alors rentrons un moment, il fait chaud. » Il n'y a que quelques pas du jardin au bar. Le galon de scotch est bien en vue sur le comptoir. Les cendriers aussi. On s'allume une cigarette, on remplit le verre de glaçon, puis de whisky, et on se paye une pinte de bon temps. Ensuite, Colin va planter le deuxième arbre. Après quoi, rebelote au bar. Puis on déclare, légèrement embrumé, que les plans suivants attendront bien demain. Quand Donald rentre vers 20h, ces dames sont toujours en train de refaire le monde. La pièce est pleine de fumée et la bouteille en a pris un sacré coup. De repas, point en vue, bien évidemment. Tant pis, bon bougre, il monte se faire un sandwich. Altruiste, il en apporte aux deux bavardes, avant de s'emparer de son verre. Colin, sur sa lancée éthylique, se met tout à coup à lui sortir ses quatre vérités. 20 ans de frustration y passent. Et vas-y, que tel jour, à telle heure, tu m'as dit ça. Et vas-y, de tout ce que tu m'as jamais dit, fait, donné, pris, etc. Et toute cette solitude, et toutes ces responsabilités, et que tu n'étais jamais là, et que c'est moi qui devais m'occuper des gosses toute seule. Et comme j'avais peur, et froid, et chaud, et pas d'argent, et... Tout cela, larmes à l'appui, devant une Faustine qui ne sait plus où se mettre, mais écoute de toutes ses oreilles en fournissant les mouchoirs en papier. Pauvre Donald, incapable de réagir devant cette logorée, cet assaut de récrimination, finissant par battre en retraite prudemment dans la chambre à coucher conjugale. Un peu plus tard, Faustine rejoint la sienne, laissant Colin laver les verres vides. Demain est un autre jour. Le même scénario se reproduira 3 soirs de suite, et les arbres ne sont toujours pas plantés. À l'aube du 4e jour, un peu calmé, Colin propose à Faustine de rendre visite à sa fille. Après avoir emprunté un chemin caillouteux menant au milieu de la forêt, elles aboutissent dans une clairière. On se croirait dans le conte des frères Grimm, tant la maisonnette de Donna ressemble à celle qui piège Hansel et Gretel. Pendant que Walter, son mari et vice-président, gère la comptabilité chez Vici, Donna est à la maison avec son petit dernier. Les aînés construisent une cabane dans la forêt. Elle rayonne de bonheur en faisant visiter son petit paradis à Faustine. La maison est assez grande pour accueillir une nombreuse famille. Donna attend déjà son quatrième. Toute une pièce est aménagée en salle de classe. Des petites tables et chaises, un bureau et un tableau noir. Sur le bureau, une Bible. C'est avec ce livre, le plus lu au monde, que Donna apprend à écrire aux grands. Elle leur fait l'école à la maison, comme beaucoup de parents en Amérique. Les distances ici sont telles que c'est souvent la solution la plus pratique, quand on a les moyens et les capacités, bien sûr. Les enfants prendront le bus scolaire quand ils seront assez âgés pour aller au collège, puis au lycée ou à la fac. Faustine est épatée, un peu jalouse aussi. Voilà une femme de son âge qui a facilement, semble-t-il, tout ce qu'elle aurait tant souhaité pour elle-même. Des parents altruistes et généreux, le domaine leur appartient, un mari aimant et travailleur. Des enfants, une maison. Pourquoi ce qui semble si simple d'accès à certaines est-il si dur pour d'autres? Colline quitte sa fille et ses petits-enfants avec beaucoup d'émotion. Elles se reverront dimanche à l'église. Dans la voiture, elle raconte à Faustine que Donna et Walter font partie de l'assemblée évangélique. C'est d'ailleurs là qu'ils se sont connus, dans des camps de vacances chrétiens. Souvent le dimanche après le culte, toute la communauté partage un repas canadien. Faustine comprend alors le pourquoi de ces longues tables dressées devant les églises lorsqu'elles passent devant le jour du Seigneur. Dans le fond, ils n'arrêtent pas de bouffer et de s'amuser, tous ces gens. Après tout, pourquoi pas si c'est leur truc? Ça rendra l'église presque sympathique. Avant de remonter sur leur colline, les deux femmes font quelques courses. Faustine n'a plus de cigarettes, presque plus d'argent sur elle non plus. À peine 10 $, mais ça devrait suffire. Ici, les cigarettes sont un peu moins chères qu'en France. Le paquet de Virginia Slim Menthol coûte 65 cents, l'équivalent de 2,97 € au lieu de 3,50 à Paris. 1 $ en 1981 vaut 4,54 €. Par contre, Faustine met du temps à s'habituer au système de taxes américain qui remplace la TVA française. Chaque comté a le sien propre. Les prix peuvent être majorés jusqu'à 10% selon les endroits. En Virginie, en général, les taxes sont de 5%, ce qui veut dire que tous les prix sont affichés avec 5% de moins. La nourriture étant peu ou pas taxée et que le calcul se fait à la caisse. Quand on est un peu serré, ce qui est le cas des 11,7% de pauvres américains actuellement, en plus de Faustine, on a intérêt à savoir compter et à prévoir une marge. Aujourd'hui, en 2019, le même paquet vaut 6 $, 5,32 €. Le dollar étant équivalent à 0,87 €. Il faut dire que la Virginie est le pays du tabac, normal qu'il y soit moins cher qu'ailleurs. Faustine se réjouit de vivre ici plutôt qu'à New York, où les prix sont et resteront prohibitifs. Plus de 10 $ le paquet. Le chemin du retour passe par la banque. La voiture s'engage dans le couloir déterminé, s'immobilise près d'un guichet derrière lequel une employée sourit, reconnaissant sa cliente. Colline baisse sa vitre. « Bonjour, Madame White. Comment puis-je vous aider ?»« Bonjour, Cindy. J'aurais besoin de 100 $ en petite coupure. »« Entendu. Je vous prépare cela tout de suite. Sur le compte société ou sur le privé ?»« Sur le compte privé, s'il vous plaît. »« Très bien. Merci de déposer votre carte. » Colline pose sa carte dans le tiroir mural qui s'ouvre ensuite, délivrant une enveloppe garnie de billets. Faustine, une fois de plus, est épatée. C'est donc ça, un drive-in? On reste assis dans sa voiture, on fait sa demande, et hop, pas besoin de bouger, on est servi. Même principe au Mac Machin. On freine devant la borne qui propose les menus, on fait son choix, on énonce distinctement sa commande dans le micro. L'employé répète et vous indique le total à payer, taxes comprises. On roule jusqu'au guichet, on paye, on récupère son paquet et on mange toujours le cul dans son char, comme disent les Québécois. Et c'est ainsi que des millions d'Américains, enfin ceux qui peuvent se le payer, se nourrissent au quotidien. Une véritable honte, fulmine Maxime, pour qui un repas sans entrée, plat, dessert n'en est pas un. Un autre truc que Faustine aimerait bien expérimenter, c'est le cinéma en plein air. Là, pareil, on commande à boire et à manger à l'entrée, on s'insère dans une place de parking munie d'écouteurs de chaque côté des portières, de charmants jeunes gens en patin roulette vous apportent votre repas. Il ne reste plus qu'à savourer films, nourriture et flirt créatif. C'est aujourd'hui que Jack arrive de France. Colin et Faustine sont en route pour l'aéroport afin de récupérer le jeune homme confié pour quelques semaines par les amis de Maxime. Ceux-là même qui lui ont prêté gracieusement leur appartement de la rue de Longchamp en août 1978. Les deux femmes se sont d'abord arrêtées au supermarché afin de remplir le coffre de victuailles, histoire que Faustine puisse nourrir son invité en attendant que Maxime rentre de voyage et remplace la voiture que Faustine a démolie. Sur les talus bordant la route, Faustine remarque des hommes entièrement vêtus de combinaisons orange. Sous la conduite d'un contremaître armé, il s'active, nettoie les fossés, taille les arbustes, consolide les infrastructures autoroutières. Faustine interroge Colin. Pourquoi ces costumes? Parce que ce sont des détenus. Oh, rassure-toi, pas de grands criminels, seulement des individus condamnés à des tâches d'intérêt général. Le gouvernement estime qu'il est plus intelligent de leur faire gagner leur pitance plutôt que de les enchaîner dans une cellule devant un téléviseur. Et ils ne cherchent jamais à s'enfuir? Faustine pense aux Dalton. Et ne voyant pas de boulets chevillés à leurs pieds, se dit que ça pourrait être facile. Oh non, ils risquent leur vie, tu sais. Tu as vu les armes des gardiens? Ils ont le droit de tirer à vue sans sommation. C'est impressionnant. Rêveuse, la jeune femme se dit que la France ferait bien d'en prendre de la graine, au lieu de jalouser les prétendus avantages des condamnés de droit commun dont ils idéalisent facilement le sort. Ils les imaginent en cellules aseptisées, véritable studio tout confort, alors qu'en réalité, pour la grande majorité, les prisonniers s'entassent à 8 dans des cellules à la limite de la salubrité. Encore un truc que Maître B n'aura pas réussi, tiens, la réforme des prisons. De l'US International Airport resplendit au soleil. Faustine sent son cœur battre comme toujours à son approche. Qu'il est beau cet aéroport. L'avion de Jack a atterri dans les temps. Le jeune homme ne tarde pas à franchir la porte de sortie, tout excité de son voyage. Vautré à l'arrière de la voiture, il exulte, racontant 10, 100, 1000 anecdotes sur son vol, sa vie à Paris, ses attentes de son séjour aux États-Unis. Avec sa gouaille toute parisienne, il aligne les bons mots, réveillant chez Faustine une nostalgie dormante. Elle n'avait pas réalisé à quel point son pays d'adoption lui manquait. Une demi-heure plus tard, Colin dépose devant la petite maison de Warrenton les jeunes gens et leur barda. Elle promet de repasser dans la semaine, voir si tout va bien. Faustine se confond en remerciements. Elle ne sait pas ce qu'elle aurait fait sans sa maman de substitution. Jack ne souffre pas du jet lag. Il investit la petite maison sans complexe, ouvre tout, fouille partout à la découverte de tous les gadgets. Il est un peu déçu. Cette maison n'est pas à la pointe du modernisme. Il n'y a pas de composteur dans l'évier et dehors les fils électriques pendent toujours lamentablement en longs écheveaux indémêlables. Faustine console son invité en l'emmenant déjeuner au Mac Machin, 2 rues plus loin. Heureusement qu'il est accessible facilement à pied, tout comme le centre commercial et la station-service, où on peut s'approvisionner en vin et en bière. À la différence de sa réputation en Europe, ici le hamburger est tout à fait mangeable, Les frites sont fondantes et croustillantes à souhait. Quant à la viande, issue le plus souvent de bœuf argentin, elle est maigre et savoureuse. Faustine et Jack se régalent, couronnant leur repas d'un sundae, crème glacée à base de lait, agrémentée d'un topping au caramel et au chocolat. Ce qui amuse beaucoup les deux amis, c'est de voir de grands adolescents et même de jeunes adultes américains commander du lait avec leur menu. Chose impensable à Paris.